on porte, c'est le meilleur des portables. Lui et moi c'est soudé comme Valve. Half-Life fait Portal, que les portails je m'en branle. Pour lui, je refais gratos des portraits à la Rembrandt. Combien de fois m'a-t-il sauvé la vie? Rien à foutre, qui n'est pas une seule de vos putains d'applis. Mon porte fait même boussole, utile quand je perds le nord dans mon sud et que je me sens tout seul déçu. Mon porte va sous l'eau, jamais il ne m'a saoulé. Et au bout du rouleau, ce n'est pas lui que j'envoie bouler. Mon porte fait lampe torche et c'est foutrement pratique quand tu rentres d'une soirée bien torchée. Mon porte est coquin, possède une collection de sextos. Les meufs coquettes dessus on laisse trop. Peut-elle tout le monde, même la police, sans lui je balise. Il a sa place dans ma valise, plus fidèle que n'importe quelle petite copine. Normal. Tu peux le tester, tu torteras son copine. Il me sert quand je m'ennuie, il a des jeux. Je l'allume dès le matin avant même que je ne déjeune. Je l'ai chopé sans sous, mon porte ne vaut rien. Mais il est bien, c'est un putain de Samsung. C'est un peu la base de toutes mes relations. C'est dire, il a même inspiré cette putain de chanson. Et des fois, quand ma mémoire fait défaut dessus, j'y mate de sacrées vieilles photos de vieux siedo. J'y enregistre mes textes de rap et sur sa messagerie, mes ex dérapent. T'imagines pas le nombre de fois qu'il a frôlé la mort. Surtout quand je suis bourré et que je sors à tort. Son fond d'écran varie selon mon humeur. Des photos, des couleurs, bref, si tu as le temps, je t'énumère. Si t'es mon pote, ton hume est dans mon porte. Ils sont rares à arriver à bon port. Lui et moi, qu'est-ce qu'on est proche, il n'est jamais bien loin. En gros, soit dans mes poches, soit dans mes mains. Dans le répertoire, tu trouveras de tout gars. Photo, taf, rap, meuf, famille, rabza, renoi et tout bab. Oui, c'est vrai, quelques filles faciles. Le genre de numéro qui tourne en ville et je pars en vrille. Un vieux saut mort, qu'importe la sonnerie. Un porte solide en béton, bref, un porte de maçonnerie. Y'a plein de zik sur mon phone. Une sorte de best-of des meilleurs albums. Je caresse ses petites touches. Y'a pas d'écran tactile, pas de rayures, pas de housse. Pas truc inutile, un vibreur plus chambé que le canard de ta sœur. Et une batterie jalousée par le meilleur des tasers. Mon porte, c'est aussi mon réveil. Il m'apporte les bonnes et les mauvaises nouvelles. Vivre sans mon portable serait insupportable. On est genre de duo indissociable. Mon porte et moi, c'est comme Batman et Robin. Comme Batman et Bibi, mon porte c'est le meilleur des mobiles. Mon porte a une bête de batterie. Tu tombes pas, je ris, mais mon porte lui kiffe les flatteries. Toujours pas loin quand je baise ou quand je tape des bises. Il nique tous vos smartphones, rêvant de faire le buzz. Toutes mes meufs, un jour ou l'autre, le fouillent. Et même si je suis clean, ben parfois j'ai la trouille. Pour être honnête, avec mon porte, je me la pète. Quelques centimètres, sobre à l'inverse de son maître. Mon porte transporte SMS, MMS et parfois MST. Devine où il traînait. C'est mon porte, mon pote. Toujours fidèle au poste, toujours hal dans ma poche. Toujours sur l'étoffe d'un héros. 0670. Bref, pour la suite, tu connais le numéro. C'est mon porte, toujours fidèle au poste, toujours hal dans ma poche, toujours sur l'étoffe d'un héros. 0670. Bref, pour la suite, tu connais le numéro. Bah ouais, mon pote, dédicacé au Motorola, au Nokia 3310, 3410, les Sagem, les MyX, les vieux portables à l'ancienne à clapper, hein. Et puis surtout au roi des rois, la star suprême, le Samsung B2710 solide. Ya, je t'aime mon pote.